Moi, j'ai une petite fille d'un séminaire, là, elle est belle, elle a 25, 26 ans. Moi, je suis single, je pense que je l'amènerai à la messe. Je vais pas dans les clubs. Dans le confessionnal, là. Elle est belle. Elle est belle. Elle a une belle peau, elle est belle. Quoi? J'ai pas fini. Ah, voilà. Donnez-moi une petite minute. Puis, elle est seule. Moi, je comprends pas ça qu'une petite fille comme ça soit seule. Elle devrait se trouver un chat, mais il y a du beau monde. Moi, déjà, lui et tout. Comment est-ce qu'une petite monde. Moi, je peux pas comprendre ça qu'une femme qui est belle, qui est jolie, qui est intelligente, elle soit seule. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Puis, il y a qu'une réponse à ça. C'est qu'elle, en dedans, est bloquée. Faut qu'elle se débloque. Mais elle a peur d'être en amour. Parce qu'elle dit, les garçons, oui, c'est pas un cadeau. Ça, elle a raison. Ah, elle a raison. Ça a bien raison, c'est ça, je peux rien dire. Quand je peux rien dire, il faut faire ma gueule. À moins que ça soit féminin. Ouais, mais c'est bien, tu sais. T'es jamais bien, tu sais. Pas vrai. Non, c'est pas vrai. T'es un ami. T'es bien, tu sais. Quand t'es bien, tu sais, c'est parce que. Quand t'es bien, tu sais, c'est parce que t'es capable d'être seul. Ah. Si t'es pas capable. Mais bien nuancé, celle-là. T'es pas capable d'être seul, c'est comme ça. Quand t'es bien seul, c'est parce que t'es capable d'être seul. Mm-hmm. Ça, c'est la première réponse à cette affaire-là. Ça, il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas un être qui veut être seul dans la vie. Parce que tous les êtres veulent communiquer avec un autre être. Mm-hmm. Mais souvent, t'es mieux être seul qu'être poigné avec des poireaux. Mm-hmm. Ou tu peux avoir d'autres raisons. Il peut y avoir d'autres raisons pourquoi est-ce que t'es seul. Toute ton affaire est bien étrange. C'est parce que je veux le raconter. On devait me présenter quelqu'un en fin de semaine. On me le présente vendredi après-midi. Il dit ben, c'est la fin de semaine. Un groupe d'amis de l'année me l'ont enlevé complètement. Donc, il fallait que ce soit comme ça. Et ceux qui me l'avaient présenté étaient insultés. Et moi, je riais. Je savais que ce qui s'était passé. Je lui dis, arrêtez-vous, il fallait que ce soit fait comme ça, mais ils ne comprenaient pas. C'est quand même ça. Sauvé. C'est drôle, hein? Oh, il dit, il m'appelle, hey, je veux te revoir, je crois. C'est un peu trop loin de se faire jouer des trous. Mais c'est bon que tu sois comme ça. Ben oui. Parce que ça te permet au moins d'avoir la chance de rencontrer un partenaire. Du moment que tu as la chance, mais il y a une chose qui a été bonne, qui ça m'a permis en fin de semaine. Je conduisais un vieux monsieur de 88 ans qui allait voir son frère de 92 ans. Oh mon sensualité existait encore chez l'homme. Copain de 92 ans, là, c'était pas rapport, ça? Ben oui. J'avais jamais vu ça. On avait pas vu ça. On peut pas sourire. Ça pourrait pas pas dire qu'il leur permet de à un moment donné, il me touchait. Je dis, père, je suis ici, mais touche-moi pas. Non, parce que je connaissais ça. Ça. Il me dit quelque chose de bien intéressant. Il dit qu'il y a des gens dans la vie qui sont empêchés de rencontrer d'autres personnes.

C'était le temps. Celui qui m'a vendu la propriété, il me l'a vendu à cause de ma gueule. Il dit, je l'aurais jamais vendu la propriété. Puis il n'a pas besoin de ça, c'était millionnaire. Mais, ma gueule. Puis là, on est chum ensemble, on va voir ensemble. Là, c'est mon ami. C'est pas qu'il y a un gars qui me vend une propriété. Puis sa propriété, il y avait bien du terrain. Puis j'avais pu tout prendre le terrain, oui. Quand t'as une propriété, tu payes tant, tu prends tout le terrain. Les autres en haut, ils me disent, donne-y la moitié du terrain. Fait que sur le contrat, j'ai dit à son avocat, j'ai dit, moi, je prends une moitié, là, lui, je donne l'autre moitié. Il est venu tout croche, là. Ça se fait pas! Ah, c'est quelque chose. Dans le temps. Puis la propriété est exactement ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Au lieu d'acheter une propriété, elle me rêve, me trouver d'argent à un autre, ben, j'en trouve un autre qui fait plus ma vibration. On sait pas travailler avec le temps. On est pressé constamment les égaux. Pressé puis pressé. Moi, j'ai acheté une Mercedes, lui, hein. Je l'ai pas payé cher. C'est une vieille. Et tout. Dans le temps. Comme neuf. Et comme neuf. Le temps. Les autres le connaissent, le temps. Mais nous autres, non. On est pressé. C'est un des plus grands secrets de la conscience de travailler avec le temps. Ils sont dans le temps, eux autres. Ils sont en dehors du temps. Nous autres, on est dans le temps. Mais pourquoi ils nous font attendre s'ils sont dehors du temps? Parce qu'eux autres sont en dehors du temps, nous autres, on est poignés dans notre temps psychologique. C'est ça qu'on souffre. C'est ça. Éventuellement, ils détruisent le temps, fait que là, à ce moment-là, t'attends. Moi, attendre 10 ans, m'acheter une pellicule, ça me change rien. C'est ça qui nous fait. Les mecs, j'achète des culottes, ça va être parfait. C'est ça qui nous fait souffrir, nous autres, dans le moment. C'est qu'on veut dépasser les D'ailleurs, c'est la première chose que je vous ai dit au début. L'impatience. L'impatience, c'est la chaîne. Garantie. Mais là, on comprend davantage. Ouais, vous en comprenez davantage. Ben, c'est ça, exactement. Le temps. Oui, l'entourage, on est conditionné vraiment. L'entourage. Mais il va te pousser au bout avant que telle chose arrive. Il va te pousser à la dernière limite. Oui. On ne travaille pas avec le temps. Ça, c'est un des grands secrets. De la puissance de l'homme, de travailler avec le temps. Ouais, mais il faut être guidé pour ça. Vous parlez de l'humain, c'est bon. Oui, mais c'est ça. Quand on est conscient, on est guidé automatiquement. Oui, c'est ça. Avant d'être conscient, le gars travaille, il fait n'importe quoi, il commence n'importe quoi. C'est ça. Fini à rien. C'est ça. Le temps. Je pensais à mon mari. Il voulait aller faire la fusion. Il va lui manquer une tournevis. Ça va au prochain tournevis, il vient acheter une télévision en couleur. Ensuite, il dit logement, c'est pas bien fond. On va visiter maison. Signe le contrat d'une maison. C'est aussi vite que moi. Michel, il est tombé. Il est tombé. Quand il y a besoin d'autre chose, on va aller chercher l'autre chose. C'est tout fait comme ça. Tu vas en voyage. Tu vas en voyage. Il y a un temps que si tu pars à telle date, tu vas rencontrer telle personne à tel endroit. Tu pars avant, tu ne rencontres pas. Fait quand tu es connecté avec les autres, ils disent on part le 27 ou à situer dans tel numéro de l'avion. Ils savent, faut que tu les suives. Bon, mais tant que c'est pas connecté, le qui c'est qui va te guider? Mais tu penses que tu l'es pas, puis tu l'es. Il dit que c'est le principe et qu'éventuellement, on le sait qu'on est dans le temps, on le sent. Il y a des gens qui sont pas capables d'attendre. Ils sont pas capables. Ce qui arrive, c'est que tu as de l'argent, mais là, tu vas encore plus vite. Parce que quand tu as de l'argent, l'ego rentre là-dedans. Là, c'est l'ego qui rentre. C'est la facilité de faire le mouvement. Ce qui arrive, c'est que les gens gaspillent leur recherche, gaspillent. Moi, je connais des gens qui avaient des maisons la semaine dernière à vendre. Ils avaient des chars, ils avaient une vente, ils avaient quelque chose, puis ils sont jamais satisfaits. Ils achètent des meubles, c'est pas le temps. Fait qu'au lieu d'accumuler des choses qui vont aller avec leur vibration, puis mettre leur argent dans d'autres choses, toujours créativement, c'est toujours recommencer. C'est une perte d'énergie. Quand tu achètes un meuble dans une maison, faut que ça soit final, ça dure 50 ans. Sans ça, t'as pas de limite. Ça n'arrête pas. Les gens travaillent. Tu travailles à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. Tu as le temps en masse de tout avoir de vie de la maison. scalper le salaire qu'un homme fait depuis 20 ans jusqu'à 60 ans, c'est une petite fortune. Il arrive à 60 ans, il doit être pris sur l'assurance chômeur du gouvernement, il n'y a plus une serre. Parce que les gens ne savent pas manipuler de l'argent. C'est très dur de manipuler de l'argent. C'est très dur. Ça coule comme du sable entre les doigts. Ils se servent de ça pour toujours rendre la situation